fane a dan kaz la Limye pa ka rentre ankor Jou la sa, nou te pale pli fa Sa pa te jame rive nou Yon e lot pou fe sa nou te pe Pou nou pa viv kon egale Se pa soupli jen di mwen E nou pa nou dwa eme Ki chan ke fe Ay ki chan ke fe Se prezansan ki ka met On kran jwa adan fi an mwen Ki chan ke fe Ay ki chan ke fe Se absansan ki ka met On kran tou adan fi an mwen Lè ou vle sove an lò vè imposib Fò ou sè ten ke tche a ou li Si ou tripe si sa mwen kantou la Ou ke fè nou chanme Ki chan ke fè Ki chan ke fè Se absansan ki kamè Ton kantou adan fi an mwen Ki chan Et c'est ça l'avantage aussi